fil de la bouche par laquelle vit des petits bruits, des voyelles, des consonnes, tout ça devient si louche que je m'ennuie, je m'enfuis, l'air de rien. Que veut cette humain qui m'adresse de drôles de gestes, qui me tend la main droit devant, chope la mienne à la secoue, m'en méfiant comme la peste, je m'arrache en galopant, l'air de rien. Non, vous n'êtes pas mes semblables, mes amis, mes cousins. Cet humain qui m'a pris pour un collègue, moi qui m'estime plus similaire au labrador retriever, ni mongol ni touareg. J'espère que je n'ai pas l'air d'un être humain. Que veut cet humain qui veut m'imposer sa loi, qu'elle soit pénale ou financière, ne me convient pas tellement. Je ne vois pas pourquoi je fouillerai dans vos affaires d'être humain. Vous n'êtes pas mes semblables, mes amis, mes cousins. Fait ce qu'on appelle être humain. Ces humains qui décident pour leurs moutons réunis, pour la mère patrie, d'imposer une idée avec des munitions contre l'infâme ennemi, mon voisin. Que veulent ces humains qui s'alignent en randonnion, persuadés d'agir pour ma vie, en caressant les gâchettes, excités pour la nation, écrasant les pissenlits du voisin. Non, vous n'êtes pas mes semblables, mes amis, mes cousins.